إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يقول الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Bienvenue à tous, qu'Allah subhanahu wa ta'ala vous accorde la réussite dans ce qu'il aime et agrée. Nous poursuivons l'étude du livre intitulé « L'éthique des mémorisateurs du Coran » de l'imam Abu Bakr al-Ajurri, qu'Allah subhanahu wa ta'ala lui fasse miséricorde. Et nous nous étions arrêtés à sa parole « Il domine sa rage » pour satisfaire son Seigneur et emplir de dépit son ennemi. Il contient sa rage dans le but d'obtenir ce qu'il y a auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Car Allah azza wa jal a fait l'éloge de ceux qui contiennent leur rage. Il nous a informé que c'est une des caractéristiques des gens du paradis. Allah subhanahu wa ta'ala dit dans surat Ali Imran وَسَارِعُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِّنْ رَبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ أُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ فِي السَّرَّاءِ وَالضَّرَّاءِ وَالْكَاظِمِينَ الْغَيْظَ وَالْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ. Hâtez-vous vers le pardon de votre Seigneur et un paradis aussi vaste que les cieux et la terre préparés pour les pieux. Ceux qui dépensent dans l'aisance et l'adversité, qui contiennent leur rage et pardonnent à autrui, car Allah aime les bienfaisants. Également, il contient sa rage pour ne pas surenchérir. Car si il montre sa rage à son ennemi, il va augmenter en colère. Alors que le bon comportement dans cette situation est de ne pas répondre aux stupides. L'imam al-Shafi'i rahmahullah a dit « إِذَا نَطَقَ السَّفِيهُ فَلَا تُجِبْهُ فَخَيْرٌ مِنْ إِجَابَتِهِ السُّكُوتُ فَإِنْ كَلَّمْتَهُ فَرَّجْتَ عَنْهُ وَإِنْ خَلَّيْتَهُ كَمَدًا يَمُوتُ » Il dit l'imam al-Shafi'i rahmahullah « Si le sot prononce une parole, ne lui répond pas. Le silence est meilleur que de lui répondre. Si tu lui parles, tu vas lui permettre de se libérer et d'exprimer sa sottise. Et si tu le laisses déçu par ton silence, alors sa sottise succombera et disparaîtra. » Ensuite, il dit, rahmahullah, « Il est humble. » Et quand la vérité lui est dite, il l'accepte, du jeune comme du plus âgé. En effet, celui qui mémorise le Coran est humble et modeste, et ne se sent pas supérieur aux autres. en disant par exemple « Je suis meilleur qu'un tel, car il ne mémorise pas comme je mémorise. » L'étudiant en sciences doit être modeste et ne doit pas se sentir supérieur aux autres. Malheureusement, certains passent leur temps à rabaisser les gens, tandis que d'autres passent leur temps à parler d'eux et de leurs performances scientifiques. Alors que la base est que l'étudiant en sciences ne parle pas de lui, à part lorsqu'il y a un intérêt. Comme par exemple, raconter une histoire qui lui est arrivée, pour que les gens puissent en tirer des leçons. Néanmoins, ceci doit être occasionnel. Quant à parler en permanence de sa propre personne et faire sa propre éloge, ceci n'est pas convenable. Et la modestie de l'étudiant en sciences le mène à accepter de tout le monde. Comme l'a mentionné l'auteur, il accepte du jeune comme du plus âgé. Car ce qui l'importe, c'est le suivi de la vérité. Il n'est pas fanatisé pour un groupe ou une personne en particulier, mais plutôt il suit les preuves. Ainsi, quand on lui apporte la vérité, il l'accepte. On dit un jour à l'éminent savant, à Sheikh Mourbil ibn Hadi al-Wadi'i, qu'Allah lui fasse miséricorde, que certains sectaires ont affirmé qu'il faut brûler un livre de science d'un des imams de cette communauté. Je ne me rappelle plus si c'était l'explication de Sahih Muslim de l'imam al-Nawawi ou celle de Sahih al-Bukhari d'Ibn Hajar. Puis le cheikh rétorqua, c'est eux qu'il faut brûler. C'est alors qu'un jeune garçon, présent dans l'assise, lui dit au cheikh, le prophète sallallahu alayhi wa sallam ne dit-il pas, seul le seigneur du feu peut châtier avec le feu. Et le cheikh s'empressa alors de demander pardon à Allah et de se repentir. Subhanallah. Regardez cette humilité et cette modestie. Malgré que celui qui l'a repris était très jeune, il accepta la vérité de lui. Et la modestie est une caractéristique des savants de la sunna. Car les savants de la sunna sont ceux qui se conforment le plus au livre d'Allah subhanahu wa ta'ala et à la sunna de son prophète. Et ils ont pris ce comportement et ce caractère éminent de notre prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Car le prophète sallallahu alayhi wa sallam était humble et modeste. En témoigne la parole de Mu'adh ibn Jabal radiallahu anhu. J'étais derrière le prophète sallallahu alayhi wa sallam sur un âne. L'éminent savant Cheikh Salih al-Fawzan, dans son explication de Kitab al-Tawhid, intitulé I'anatul Mustafid, nous dit qu'ici la modestie du prophète sallallahu alayhi wa sallam se traduit par deux choses. La première est qu'il soit monté sur un âne, et la deuxième est qu'il l'ait fait en compagnie d'un de ses compagnons, radiallahu anhu. Également, la modestie de l'étudiant en sciences le pousse à donner de l'importance à tout le monde. Malgré leurs différences de rang dans la société, ils donnent de l'importance aux riches comme aux pauvres, sans faire de distinction entre eux. Et ce comportement est une cause qu'Allah subhanahu wa ta'ala l'élève et que les gens acceptent son prêche. Quant à l'arrogant, son prêche a moins d'impact sur les gens. Ensuite, il dit, rahmahullah, il sollicite l'élévation de la part d'Allah et non pas des créatures. C'est pour cela qu'il est modeste. Car Allah subhanahu wa ta'ala élève ceux qui sont modestes. L'imam Muslim rapporte, d'après Abu Huraira, radiallahu anhu, que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: et nul ne fait preuve de modestie devant Allah sans qu'Allah subhanahu wa ta'ala ne l'élève. Ainsi, le mémorisateur du Coran sait pertinemment que ce sont ses bonnes actions et son bon comportement qui vont être une cause d'élévation. C'est pour cela qu'il ne cherche pas à ce que les créatures l'élèvent. Ensuite, il dit, rahimahullah, il répugne l'orgueil et le craint pour lui-même. En effet, il répugne l'orgueil, car l'orgueil mène à l'égarement. Ainsi, il s'écarte de toutes les voies qui peuvent mener à l'orgueil. Ensuite, il dit, il ne prend pas le Coran pour gagner son pain, et il n'aime pas que par lui, on lui règle ses affaires. C'est-à-dire, il ne montre pas aux gens que c'est un étudiant, un mémorisateur du Coran, pour obtenir des biens mondains. Lorsqu'il fait des achats, par exemple, il ne va pas dire « je suis un tel étudiant, de tel savant » ou « je suis étudiant dans tel institut » dans le but qu'on lui baisse le prix ou qu'il obtienne un bien mondain. Il s'écarte de ce genre de choses pour ne pas obtenir un bien mondain grâce au Coran. Ensuite, il dit, rahmahullah, il ne s'en sert pas pour s'approcher des enfants des souverains, ni pour fréquenter les riches, pour qu'ils soient généreux envers lui. C'est-à-dire qu'il ne fait pas de différence entre le riche et le pauvre, notamment dans l'enseignement. Au contraire de celui qui va refuser lorsqu'un pauvre va faire appel à lui pour qu'il lui enseigne ou enseigne à ses enfants, mais qui va accourir lorsqu'un riche va faire appel à lui pour pouvoir bénéficier de sa générosité et de ses biens, car ceci n'est pas convenable. Ensuite, il dit, rahmahullah, si les gens acquièrent beaucoup de biens ici-bas sans jurisprudence ni clairvoyance, lui en acquiert peu avec jurisprudence et savoir. C'est-à-dire qu'il acquiert son argent de manière licite. Il préfère avoir peu de moyens d'une voie licite que d'en avoir beaucoup d'une manière ambiguë. Et il n'est pas focalisé sur les biens comme la plupart des gens. Puis il dit, si les gens s'habillent de vêtements confortables et luxueux, lui se contente de s'habiller de ses biens licites, avec quoi il couvre sa nudité. Le mémorisateur du Coran ne concurrence pas les gens dans les choses mondaines, car il sait que cette vie n'est que vaine parure. Allah subhanahu wa ta'ala dit à ce sujet, اعلموا أنما الحياة الدنيا لعب ولهو وزينة وزينة وتفاخر بينكم وتكاثر في الأموال والأولاد كمثل غيث أعجب الكفار نباته ثم يهيج فتراه مصفرا ثم يكون حطاما وفي الآخرة عذاب شديد ومغفرة من الله ورضوان وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ. Sachez que la vie présente n'est que jeu, amusement, vaine parure, une course à l'orgueil entre vous et une rivalité dans l'acquisition des richesses et des enfants. Elle est en cela pareille à une pluie. La végétation qui en vient émerveille les cultivateurs, puis elle se fane, et tu la vois donc jaunie. Ensuite, elle devient des débris, et dans l'au-delà, il y a un dur châtiment. Et aussi, pardon et agrément d'Allah, et la vie présente n'est que jouissance trompeuse. Par conséquent, il cherche ce qui est auprès d'Allah, subhanahu wa ta'ala, et concurrence les gens dans les bonnes œuvres, comme cela était la voie des compagnons du prophète, sallallahu alayhi wa sallam. En témoigne le hadith rapporté par l'imam Muslim, d'après Abu Dhar, qu'Allah l'agrée, Lorsque des gens parmi les compagnons du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam ont dit au prophète, les gens riches ont accaparé les récompenses. Ils prient comme nous prions. Ils jeûnent comme nous jeûnons. Et ils font l'aumône avec le surplus de leurs biens. L'éminent savant, Cheikh Al-Uthaymin alayhi rahmatullah, dit en commentaire de ce hadith, concernant le sens de cette phrase, c'est-à-dire, nous ne donnons pas l'aumône, car nous n'avons rien. Comment pouvons-nous les dépasser ou être comme eux? Fin de citation. Il en est de même pour l'étudiant en sciences, celui qui mémorise le Coran. Il ne concurrence pas les autres dans les choses de ce bas monde. Il se contente de ce qu'il a. Et c'est pertinemment que les biens peuvent être une épreuve dans cette vie d'ici-bas. Allah subhanahu wa ta'ala dit dans Surat al-Anfal, وَعْلَمُوا أَنَّمَا أَمْوَالُكُمْ وَأَوْلَادُكُمْ فِتْنَةً وَأَنَّ اللَّهَ عِنْدَهُ أَجْرٌ عَظِيمٌ. Sachez que vos biens et vos enfants ne sont qu'une épreuve, et qu'auprès d'Allah se trouve une immense récompense. Et comme nous l'avons cité dans un cours précédent, celui qui mémorise le Coran donne une importance particulière à la lecture du Coran avec méditation. Et lorsqu'il lit le Coran, il passe par plusieurs histoires. Et parmi elles, on retrouve l'histoire de Qarun. Et parmi les enseignements de cette histoire, le fait que la richesse de Qarun fut une cause de sa perdition. Malgré qu'il crut en Moussa alayhi salam, Allah subhanahu wa ta'ala dit dans Surat al-Qasas, Inna Qarun kana min qawmi Moussa fabara alayhim. وَآتَيْنَاهُ مِنَ الْكُنُوزِ مَا إِنَّ مَفَاتِحَهُ لَتَنُوءُ بِالْعُصْبَةِ أُولِي الْقُوَّةِ إِذْ قَالَ لَهُ قَوْمُهُ لَا تَفْرَحْ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْفَرِحِينَ. Qarun appartenait au peuple de Moussa, mais il transgressa à leur endroit. Nous lui avons accordé des trésors, dont les seules clés représentaient une charge lourde à un groupe d'hommes robustes. Et l'éminent savant, Cheikh Al-Uthaymin, alayhi rahmatullah, nous dit dans le tefsir de ce verset que les savants ont divergé concernant leur nombre. Certains ont dit 80, d'autres 60, et d'autres ont mentionné d'autres choses. Ensuite, Allah subhanahu wa ta'ala dit selon le sens, son peuple lui dit, ne te réjouis point avec suffisance, car Allah n'aime pas les vanités. Et lorsque Qarun fit l'étalage de tout son faste devant les gens, ils se divisèrent en deux catégories. Allah subhanahu wa ta'ala dit au sujet de la première catégorie, فَخَرَجَ عَلَىٰ قَوْمِهِ فِي زِينَتِهِ قَالَ الَّذِينَ يُرِيدُونَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا يَا لَيْتَ لَنَا مِثْلَ مَا أُوتِيَ قَارُونَ إِنَّهُ لَذُو حَظٍ عَظِيمٍ. Il se présenta devant son peuple en étalant tout son faste. Ceux qui ne désiraient que la vie présente dirent, si seulement nous possédions des richesses semblables à Qarun, il détient vraiment une immense fortune. Ces gens étaient ignorants et furent trompés par la richesse de Qarun, au point qu'ils voulaient posséder une richesse similaire. Il ne convient pas que le mémorisateur du Coran fasse partie de cette catégorie. Ensuite, nous avons la deuxième catégorie. Allah subhanahu wa ta'ala dit à leur sujet, وَقَالَ الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ وَيْلَكُمْ ثَوَابُ اللَّهِ خَيْرٌ لِمَنْ آمَنَ خَيْرٌ لِمَنْ آمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا وَلَا يُلَقَّاهَا إِلَّا الصَّابِرُونَ. Ceux qui étaient doués de science. Regardez comment Allah subhanahu wa ta'ala les a décrits. وقال الذين أوتوا العلم Ceux qui étaient doués de science dirent Malheur à vous La récompense d'Allah subhanahu wa ta'ala est bien meilleure pour celui qui croit et accomplit des œuvres pieuses. Mais cela n'est accordé qu'à ceux qui patientent. Ces gens avaient une science profitable qui leur a permis de ne pas être trompés par la fortune de Qarun. Ils considéraient que la récompense d'Allah subhanahu wa ta'ala est bien meilleure et plus durable. Et c'est exactement la position du mémorisateur du Coran par rapport à ceux qui possèdent beaucoup de biens mondains. Il ne les envie pas. Et cela ne l'intéresse pas. Il ne les concurrence pas pour ces choses mondaines. Car le plus important pour lui est l'agrément d'Allah subhanahu wa ta'ala. Nous avons certes besoin, barakallahu fikum, de ce type de rappel, surtout à cette époque. Car parfois, celui qui mémorise le Coran, plus particulièrement les femmes, certaines d'entre elles vont mémoriser le Coran, walillahilhamd, vont faire des efforts dans l'étude de la science, dans l'apprentissage du tawhid, l'apprentissage du fiqh, de la langue arabe, du tafsir et autres. Cependant, ils vont voir que d'autres femmes possèdent beaucoup de biens mondains. Et parfois, ils vont faire l'étalage de leur faste sur les réseaux sociaux. Et certaines femmes qui donnent une grande importance à l'étude de la science vont être trompées. Et elles vont penser que c'est ça la réalité. Tout en oubliant qu'elles sont dans un grand bien. قال بعض السلف ما كان لله يبقى Ce qui est pour Allah perdure. Pensez-vous que leur faste va perdurer lorsqu'ils font l'étalage de leur faste sur les réseaux sociaux, que ce soit sur Instagram, Twitter ou autre? Pensez-vous que ça va perdurer? Pensez-vous que leur faste va être une cause de la miséricorde d'Allah subhanahu wa ta'ala? Pensez-vous qu'Allah subhanahu wa ta'ala va les récompenser pour tout cela? La réponse est non. La réponse est non, et cette réponse est connue de tous, incha'Allah ta'ala. Par conséquent, ne soyez pas trompés par les gens qui sont dans cette dunya et qui se combattent pour cette dunya. Et certes, celui à qui Allah subhanahu wa ta'ala a facilité à être sur cette voie, il est dans un grand bien. Et cela ne veut pas dire qu'Allah subhanahu wa ta'ala ne va pas lui faciliter des choses dans cette dunya. Méditez avec moi la parole d'un des imams de cette communauté, qui n'est d'autre que l'imam Shafi'i, rahmahullah. L'imam Shafi'i disait « Man arada ad-dunya fa'alayhi bil-ilm, wa man arada al-akhirah fa'alayhi bil-ilm, wa man arada ad-dunya wal-akhirah fa'alayhi bil-ilm. » Ya salam. L'imam Shafi'i, rahmahullah, disait Celui qui veut la vie d'ici-bas, alors qu'il étudie la science. Celui qui veut la vie d'ici-bas, qu'il étudie la science. Et celui qui veut l'au-delà, qu'il étudie la science. Et celui qui veut la vie d'ici-bas et l'au-delà, qu'il étudie la science. Subhanallah. Et quelqu'un pourrait se demander, comment est-ce possible que celui qui veut la dunya et l'akhira, qu'il étudie la science? Et comment est-ce possible que celui qui veut la dunya doit aussi étudier la science? On peut expliquer cette parole par ce qui va suivre. Celui qui va se détourner de la dunya, qui ne va pas donner une grande importance à cette vie d'ici-bas, et qui va étudier la science, Allah subhanahu wa ta'ala va l'enrichir. Allah subhanahu wa ta'ala va l'enrichir. Allah subhanahu wa ta'ala va lui faciliter des choses dans cette dunya. Et je vais donner un exemple. Car comme les Arabes disent, bil mithal yattadihu al maqal. Avec l'exemple, la parole devient plus claire. Prenez l'exemple du grand imam Sheikh Mourbil ibn Hadi al-Wadi'i, rahmahullah. Sheikh Mourbil vivait dans un village appelé Dammaj, dans le nord du Yémen. Il vivait dans un village. Sheikh Mourbil, parmi ses caractéristiques, on retrouve l'ascétisme, al-zuhud, et al-wara, la retenue. Il a délaissé cette dunya. Il étudiait la science et enseignait aux gens la sunna. Il enseignait aux gens le Coran et la sunna du prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Malgré ça, l'argent lui venait par tous les côtés. Des gens voyageaient de certains pays lointains pour venir lui donner de l'argent. En témoigne l'histoire avec l'homme originaire du Qatar, qui a voyagé du Qatar jusqu'au Yémen, jusqu'à arriver dans le village de Sheikh Mourbil, rahmahullah. Et il a demandé à voir Sheikh Mourbil. Lorsqu'il a rencontré Sheikh Mourbil, il lui a dit au Sheikh, il y a une personne importante au Qatar qui m'a chargé de te donner cette grosse somme d'argent. Et regardez, tellement Sheikh Mourbil, rahmahullah, avait délaissé cette dounia, elle a refusé. Il a refusé. Alors qu'il vivait dans un village. Alors que les conditions, comme l'ont mentionné certains de nos mashaykhs, n'étaient pas forcément faciles. Un de nos mashaykhs a rapporté qu'il y avait un élève d'origine anglaise. Et comme vous le savez, en Europe, on a été éduqué d'une certaine façon. Et ce frère d'origine anglaise avait un chat. Et il nourrissait son chat quotidiennement avec une boîte de thon. Et les Yéménites n'ont pas été éduqués comme ça. Car le thon, subhanallah, c'est un luxe. Et lorsque certains de nos mashayikhs ont vu que cet homme nourrissait son chat avec du thon, ils ont dit, hé chat. Ils ont vu la scène une fois, deux fois, trois fois, alors qu'ils avaient faim et ne trouvaient pas forcément de quoi manger certains jours. Et un jour, le chat a refusé de manger cette boîte de thon. Et certains de nos mashayikhs se sont empressés pour manger le thon que le chat avait laissé. Pour vous dire qu'à l'époque de Sheikh Mourbil, rahmahullah, la situation n'était pas forcément facile. Malgré ça, le cheikh a refusé cet argent. L'homme s'étonna. Comment, subhanallah, le cheikh peut refuser cette somme d'argent alors qu'il vit dans un village? Alors que sa situation n'est pas des meilleures. Il lui a dit au cheikh, prends cet argent Et le cheikh de dire je n'en veux pas. Jazakallahu khairan. Et cette personne de dire, Yachir, c'est une grosse somme d'argent. Et le cheikh lui dit, non, je ne la veux pas. Prends-la pour toi. Et lorsque cette personne a vraiment vu que cheikh Mourbil n'allait pas prendre cet argent, il a laissé le sac et parti en courant. Subhanallah. Certains de nos mashiach ont dit que cheikh Mourbil a pris l'ensemble de cet argent et l'a dépensé pour ses élèves. Regardez, subhanallah, alors qu'il s'est détaché de cette dounia, les gens venaient à lui, au cheikh, tiens cette voiture pour la prédication, tiens telle somme d'argent, une personne qui aime les gens de la sunna et aime la da'wa des gens de la sunna, te donne cet argent. Alors qu'il s'est détaché de la dunya. C'est pour ça que l'imam Shafi'i a dit Man arada ad-dunya fa'alayhi bil-ilm. Wa man arada al-akhira fa'alayhi bil-ilm. Wa man arada ad-dunya wal-akhira fa'alayhi bil-ilm. Et sache mon frère, et sache ma sœur, que ce n'est pas parce que tu étudies la science que tu vas forcément être pauvre. Regardez ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le Coran. Innahu man yattaqi wa yasbir fa inna Allah la yudhi'u ajra al-muhsinin. Allah dit également wa man yattaqi Allah ja'alahu makhraja. Celui qui craint Allah, Allah lui donne une issue favorable. Que les biens de ce bas monde ne vous trompent pas. Celui qui étudie la science est certes dans un grand bien. Car c'est une voie qui mène au paradis, comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a mentionné. Wallahu ta'ala a'la wa a'lam.